Section 15. De Itinéraire de Paris à Jérusalem. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Christiane Johan. Itinéraire de Paris à Jérusalem par François-René de Chateaubriand. Itinéraire. Deuxième partie. Suite. Le 5 au matin, tous les arrangements étant faits, le guide partit avec les chevaux. Il alla m'attendre à Menemen Eskelesi, petit port de l'Anatolie. Ma dernière visite à Smyrne fut pour Joseph. Quantum mutatus habilio. Était-ce bien là, mon illustre drogman? Je le trouvais dans une chétive boutique, planant et battant sa vaisselle d'étain. Il avait cette même veste de velours bleu qu'il portait sur les ruines de Sparte et d'Athènes. Mais que lui servaient ces marques de sa gloire? Que lui servait d'avoir vu les villes et les hommes? Mores hominum et urbes. Il n'était pas même propriétaire de son échoppe. J'aperçus dans un coin un maître à mine refrognée qui parlait rudement à mon ancien compagnon. C'était pour cela que Joseph se réjouissait tant d'arriver. Je n'ai regretté que deux choses dans mon voyage, ce de n'avoir pas été assez riche pour établir Joseph à Smyrne et pour racheter un captif à Tunis. Je fis mes derniers adieux à mon pauvre camarade, il pleurait et je n'étais guère moins attendri. Je lui écrivis mon nom sur un petit morceau de papier dans lequel j'enveloppais des marques sincères de ma reconnaissance, de sorte que le maître de la boutique ne vit rien de ce qui se passait entre nous. Le soir, après avoir remercié M. le consul de toutes ses civilités, je m'embarquai dans un bateau avec Julien, le drogman, les janissaires et le neveu de M. Schauderloz, qui voulut bien m'accompagner jusqu'à l'échelle. Nous y abordâmes en peu de temps. Le guide était sur le rivage. J'embrassai mon jeune hôte qui retournait à Smyrne. Nous montâmes à cheval et nous partîmes. Il était minuit quand nous arrivâmes au camp de Menemen. J'aperçus de loin une multitude de lumières éparses, c'était le repos d'une caravane. En approchant, je distinguai les chameaux, les uns couchés, les autres debout, ceux-ci chargés de leurs fardeaux, ceux-là débarrassés de leurs bagages, des chevaux et des ânes débridés mangeaient l'orge dans des seaux de cuir, quelques cavaliers se tenaient encore à cheval, et les femmes voilées n'étaient point descendues de leurs dromadaires. Assis, les jambes croisées sur des tapis, des marchands turcs étaient groupés autour des feux qui servaient aux esclaves à préparer le pilau. D'autres voyageurs fumaient leurs pipes à la porte du camp, mâchaient de l'opium, écoutaient des histoires, on brûlait le café dans les poêlons, des vivandières allaient de feux en feux, proposant des gâteaux de blé grués, des fruits et de la volaille, des chanteurs amusaient la foule, des imans faisaient des ablutions, se prosternaient, se relevaient, invoquaient le prophète. Des chameliers dormaient étendus sur la terre. Le sol était jonché de ballots, de sacs de coton, de couffes de riz. Tous ces objets, tantôt distincts et vivement éclairés, tantôt confus et plongés dans une demi-ombre, selon la couleur et le mouvement des feux, offraient une véritable scène des mille et une nuits. Il n'y manquait que le calife Haroun al-Rachid, le vizir Djaïfar et Mesrour, chef des eunuques. Je me souviens alors pour la première fois que je foulais les plaines de l'Asie, partie du monde qui n'avait point encore vu la trace de mes pas, hélas, ni ces chagrins que je partage avec tous les hommes. Je me sentis pénétré de respect pour cette vieille terre où le genre humain prit naissance, où les patriarches vécurent, où Tyr et Babylone s'élevèrent, où l'Éternel appela Cyrus et Alexandre, où Jésus-Christ accomplit le mystère de notre salut. Un monde étranger s'ouvrait devant moi. J'allais rencontrer des nations qui m'étaient inconnues, des mœurs diverses, des usages différents, d'autres animaux, d'autres plantes, un ciel nouveau, une nature nouvelle. Je passerai bientôt l'Hermus et le Granic. Sardes n'était pas loin. Je m'avançais vers Pergame et vers Troie. L'histoire me déroulait une autre page des révolutions de l'espèce humaine. Je m'éloignais, à mon grand regret, de la caravane. Après 2 heures de marche, nous arrivâmes au bord de l'Hermus, que nous traversâmes dans un bac. C'est toujours le Turbidus Hermus. Je ne sais s'il roule encore de l'or. Je le regardais avec plaisir, car c'était le premier fleuve proprement dit que je rencontrais depuis que j'avais quitté l'Italie. Nous entrâmes à la pointe du jour dans une plaine bordée de montagnes peu élevées. Le pays offrait un aspect tout différent de celui de la Grèce. Les cotonniers verts, le chaume jaunissant des blés, l'écorce variée des pastèques diaprètent agréablement la campagne. Des chameaux passaient çà et là avec les buffles. Nous laissions derrière nous Magnésie et le mont Sipylus. Ainsi, nous n'étions pas éloignés des champs de bataille, où Agésilas humilia la puissance du grand roi, et où Scipion remporta sur Antiochus cette victoire qui ouvrit aux Romains le chemin de l'Asie. Nous aperçûmes au loin, sur notre gauche, les ruines de Cime, et nous avions Neonticos à notre droite. J'étais tenté de descendre de cheval et de marcher à pied, par respect pour Homère, qui avait passé dans ces mêmes lieux. Quelque temps après, le mauvais état de ses affaires le disposa à aller à Cime. S'étant mis en route, il traversa la plaine de l'Hermos et arriva à Neonticos, colonie de Cime. Elle fut fondée 8 ans après Cime. On prétend qu'étant en cette ville, chez un armurier, il y récita ses vers les premiers qu'il ait faits. Ô vous, citoyens de l'aimable fille de Cime, qui habitez au pied du mont Sardène, dont le sommet est ombragé de bois qui répandent la fraîcheur, et qui vous abreuvait de l'eau du divin Hermos qu'enfanta Jupiter, respectez la misère d'un étranger qui n'a pas une maison où il puisse trouver un asile. L'Hermus coule près de Neonticos, et le mont Sardène domine l'un et l'autre. L'armurier s'appelait Tychius. Ses vers lui firent tant de plaisir qu'il se détermina à le recevoir chez lui. Plein de commisération pour un aveugle, réduit à demander son pain, il lui promit de partager avec lui ce qu'il avait. Mais Lésigène, étant entré dans son atelier, prit un siège, et en présence de quelques citoyens de Neonticos, il leur montra un échantillon de ses poésies. C'était l'expédition d'Amphéaraos contre Thèbes, et des hymnes en l'honneur des dieux. Chacun en dit son sentiment, et Mélésigène, ayant porté là-dessus son jugement, ses auditeurs en furent dans l'admiration. Tant qu'il fut à Neonticos, ses poésies lui fournirent les moyens de subsister. On y montrait encore de mon temps le lieu où il avait coutume de s'asseoir quand il récitait ses vers. Ce lieu, qui était encore en grande vénération, était ombragé par un peuplier qui avait commencé à croître dans le temps de son arrivée. Puisque Homère avait eu pour hôte un armurier à Neonticos, je ne rougissais plus d'avoir eu pour interprète un marchand d'étain à Smyrne. Plût au ciel que la ressemblance fût en tout point complète, dussé-je acheter le génie d'Homère par tous les malheurs dont ce poète fut accablé. Après quelques heures de marche, nous franchîmes une des croupes du mont Sardène, et nous arrivâmes au bord du Pithicus. Nous fîmes halte pour laisser passer une caravane qui traversait le fleuve. Les chameaux, attachés à la queue les uns des autres, n'avançaient dans l'eau qu'en résistant. Ils allongeaient le cou et étaient tirés par l'âne qui marche à la tête de la caravane. Les marchands et les chevaux étaient arrêtés en face de nous, de l'autre côté de la rivière, et l'on voyait une femme turque assise à l'écart qui se cachait dans son voile. Nous passâmes le Pithicus à notre tour, au-dessous d'un méchant pont de pierre, et à 11 heures, nous gagnâmes un camp où nous laissâmes reposer les chevaux. À 5 heures du soir, nous nous remîmes en route. Les terres étaient hautes et assez bien cultivées. Nous voyions la mer à gauche. Je remarquai pour la première fois des tentes de Turcomans. Elles étaient faites de peaux de brebis noires, ce qui me fit souvenir des Hébreux et des pasteurs arabes. Nous descendîmes dans la plaine de Myrine, qui s'étend jusqu'au golfe d'Élée. Un vieux château du nom de Güzelhisar s'élevait sur une des pointes de la montagne que nous venions de quitter. Nous campâmes, à 10 heures du soir, au milieu de la plaine. On étendit à terre une couverture que j'avais achetée à Smyrne. Je me couchai dessus et je m'endormis. En me réveillant quelques heures après, je vis les étoiles briller au-dessus de ma tête et j'entendis les cris du chamelier qui conduisait une caravane éloignée. Le 5, nous montâmes à cheval avant le jour, nous cheminâmes par une plaine cultivée, nous traversâmes le Caïcus à 1 lieue de Pergame et à 9 heures du matin nous entrâmes dans la ville. Elle est bâtie au pied d'une montagne. Tandis que le guide conduisait les chevaux au camp, j'allais voir les ruines de la citadelle. je trouvai les débris de trois enceintes de murailles, les restes d'un théâtre et d'un temple, peut-être celui de Minerve, porte-victoire. Je remarquai quelques fragments agréables de sculpture, entre autres une frise ornée de guirlandes que soutiennent des têtes de bœufs et des aigles. Pergame était au-dessus de moi, dans la direction du midi. Elle ressemble à un camp de baraques rouges. Au couchant se déroule une grande plaine terminée par la mer. Au levant s'étend une autre plaine, bordée au loin par les montagnes. Au midi et au pied de la ville, je voyais d'abord des cimetières plantés de cyprès, puis une bande de terre cultivée en orge et en coton, ensuite deux grands tumulus. Après cela, venait une lisière plantée d'arbres, et enfin une longue et haute colline qui arrêtait l'œil. Je découvrais aussi au nord-est quelques-uns des replis de Célinus et du Kétius, et à l'est l'amphithéâtre dans le creux d'un vallon. La ville, quand je descendis de la citadelle, m'offrit les restes d'un aqueduc et les débris du lycée. Les savants du pays prétendent que la fameuse bibliothèque était renfermée dans ce dernier monument. Mais si jamais description fut superflue, c'est celle que je viens de faire. Il n'y a guère plus de 5 à 6 mois que M. de Choiseul a publié la suite de son voyage. Ce second volume, où l'on reconnaît les progrès d'un talent que le travail, le temps et le malheur ont perfectionné, donne les détails les plus exacts et les plus curieux sur les monuments de Pergame et sur l'histoire de ses princes. Je ne me permettrai donc qu'une réflexion. Ce nom des Attales, cher aux arts et aux lettres, semble avoir été fatal au roi. Attale, troisième du nom, mourut presque fou et légua ses meubles aux Romains. Populus Romanus honorum meorum hoeres esto. Et ces républicains qui regardaient apparemment les peuples comme des meubles s'emparèrent du royaume d'Attale. On trouve un autre Attale, jouet d'Alaric, et dont le nom est devenu proverbial pour exprimer un fantôme du roi. Quand on ne sait pas porter la pourpre, il ne faut pas l'accepter. Mieux vaut alors le sayon de poil de chèvre. Nous sortîmes de Pergame le soir à 7 heures, et, faisant route au nord, nous nous arrêtâmes à 11 heures du soir pour coucher au milieu d'une plaine. Le 6, à 4 heures du matin, nous reprîmes notre chemin, et nous continuâmes de marcher dans la plaine qui, aux arbres près, ressemble à la Lombardie. Je fus saisi d'un accès de sommeil si violent qu'il me fut impossible de le vaincre, et je tombai par-dessus la tête de mon cheval. J'aurais dû me rompre le cou, j'en fus quitte pour une légère contusion. Vers les 7 heures, nous nous trouvâmes sur un sol inégal, formé par des monticules. Nous descendîmes ensuite dans un bassin charmant, planté de mûriers, d'oliviers, de peupliers et de pins en parasol, Pinus pinea. En général, toute cette terre de l'Asie me parut fort supérieure à la terre de la Grèce. Nous arrivâmes d'assez bonne heure à la Somma, méchante ville turque, où nous passâmes la journée. Je ne comprenais plus rien à notre marche. Je n'étais plus sur les traces des voyageurs qui tous, allant à Bursa ou revenant de cette ville, passent beaucoup plus à l'est, par le chemin de Constantinople. D'un autre côté, pour attaquer le revers du mont Ida, il me semblait que nous eussions dû nous rendre de Pergame à Hadramiti, d'où, longeant la côte ou franchissant le Gargare, nous fussions descendus dans la plaine de Troie. Au lieu de suivre cette route, nous avions marché sur une ligne qui passait précisément entre le chemin des Dardanelles et celui de Constantinople. Je commençais à soupçonner quelques supercheries de la part du guide, d'autant plus que je l'avais vu souvent causer avec le janissaire. J'envoyai Julien chercher le drogman. Je demandai à celui-ci par quel hasard nous nous trouvions à la Somma. Le drogman me parut fort embarrassé. Il me répondit que nous allions à Kirkagar, qu'il était impossible de traverser la montagne, que nous y serions infailliblement égorgés, que notre troupe n'était pas assez nombreuse pour hasarder un pareil voyage, et qu'il était bien plus expédient d'aller rejoindre le chemin de Constantinople. Cette réponse me mit en colère. Je vis clairement que le drogman et le janissaire, soit par peur, soit par d'autres motifs, était entré dans un complot pour me détourner de mon chemin. Je fis appeler le guide, et je lui reprochai son infidélité. Je lui dis que, puisqu'il trouvait la route de Troie impraticable, il aurait dû le déclarer à Smyrne, qu'il était un poltron, tout turc qu'il était, que je n'abandonnerais pas ainsi mes projets selon sa peur ou ses caprices, que mon marché était fait pour être conduit aux Dardanelles et que j'irais aux Dardanelles. » À ces paroles, que le drogman traduisit très fidèlement, le guide entra en fureur. Il s'écria « Allah, Allah !» secoua sa barbe de rage, déclara que j'avais beau dire et beau faire qu'il me mènerait à Kirkagar et que nous verrions qui, d'un chrétien ou d'un turc, aurait raison auprès de l'aga. Sans Julien, je crois que j'aurais assommé cet homme. Kirkagar étant une riche et grande ville, à 3 lieues de la Soma, j'espérais y trouver un agent français qui ferait mettre ce Turc à la raison. Le 7, à 4 heures du matin, toute notre troupe était à cheval, selon l'ordre que j'en avais donné. Nous arrivâmes à Kirkagar en moins de 3 heures et nous mîmes pied à terre à la porte d'un très beau camp. Le drogman s'informa à l'heure même s'il n'y avait point un consul français dans la ville. On lui indiqua la demeure d'un chirurgien italien. Je me fis conduire chez le prétendu vice-consul et je lui expliquai mon affaire. Il alla sur le champ en rendre compte au commandant. Celui-ci m'ordonna de comparaître devant lui avec le guide. Je me rendis au tribunal de son excellence. J'étais précédé du drogman et du janissaire. L'aga était à demi couché dans l'angle d'un sofa, au fond d'une grande salle, assez belle, dont le plancher était couvert de tapis. C'était un jeune homme d'une famille de vizirs. Il avait des armes suspendues au-dessus de sa tête. Un de ses officiers était assis auprès de lui. Il fumait d'un air dédaigneux une grande pipe persane et poussait de temps en temps des éclats de rire immodérés en nous regardant. Cette réception me déplut. Le guide, le janissaire et le drogman ôtèrent leurs sandales à la porte selon la coutume. Ils allèrent baiser le bas de la robe de l'aga et revinrent ensuite s'asseoir à la porte. La chose ne se passa pas si tranquillement à mon égard. J'étais complètement armé, botté et peuronné. J'avais un fouet à la main. Les esclaves voulurent m'obliger à quitter mes bottes, mon fouet et mes armes. Je leur fis dire par le drogman qu'un Français suivait partout les usages de son pays. Je m'avançai brusquement dans la chambre. Un spahi me saisit par le bras gauche et me tira de force en arrière. Je lui sanglai à travers le visage un coup de fouet qui l'obligea de lâcher prise. Il mit la main sur les pistolets qu'il portait à la ceinture. Sans prendre garde à sa menace, j'allai m'asseoir à côté de l'aga dont l'étonnement était risible. Je lui parlai français, je me plaignis de l'insolence de ces gens, je lui dis que ce n'était que par respect pour lui que je n'avais pas tué son janissaire, qu'il devait savoir que les Français étaient les premiers et les plus fidèles alliés du grand seigneur, que la gloire de leurs armes était assez répandue dans l'Orient pour qu'on apprît à respecter leurs chapeaux, de même qu'ils honoraient les turbans sans les craindre, que j'avais bu le café avec des pachas qui m'avaient traité comme leur fils, que je n'étais pas venu à Kirkagar pour qu'un esclave m'apprît à vivre et fût assez téméraire pour toucher la basque de mon habit. L'aga, ébahi, m'écoutait comme s'il m'eût entendu. Le drogman lui traduisit mon discours. Il répondit qu'il n'avait jamais vu de Français, qu'il m'avait pris pour un franc et que très certainement il allait me rendre justice. Il me fit apporter le café. Rien n'était curieux à observer comme l'air stupéfait et la figure allongée des esclaves qui me voyaient assis avec mes bottes poudreuses sur le divan auprès de leur maître. La tranquillité étant rétablie, on expliqua mon affaire. Après avoir entendu les deux parties, l'aga rendit un arrêt auquel je ne m'attendais point du tout. Il condamna le guide à me rendre une partie de mon argent. Mais il déclara que, les chevaux étant fatigués, 5 hommes seuls ne pouvaient se hasarder dans le passage des montagnes, qu'en conséquent je devais, selon lui, prendre tranquillement la route de Constantinople. Il y avait là-dedans un certain bon sens turc assez remarquable, surtout lorsqu'on considérait la jeunesse et le peu d'expérience du juge. Je fis dire à son Excellence que son arrêt, d'ailleurs très juste, pêchait par 2 raisons. Premièrement, parce que 5 hommes bien armés passaient partout. Secondement, parce que le guide aurait dû faire ses réflexions à Smyrne et ne pas prendre un engagement qu'il n'avait pas le courage de remplir. L'aga convint que ma dernière remarque était raisonnable, mais que, les chevaux étant fatigués et incapables de faire une aussi longue route, la fatalité m'obligeait de prendre un autre chemin. Il eût été inutile de résister à la fatalité. Tout était secrètement contre moi, le juge, le drogman et mon janissaire. Le guide voulut faire des difficultés pour l'argent, mais on lui déclara que, sans coup de bâton, l'attendait à la porte. s'il ne restituait pas une partie de la somme qu'il avait reçue. Il la tira avec une grande douleur du fond d'un petit sac de cuir et s'approcha pour me la remettre. Je la pris et la lui rendis en lui reprochant son manque de bonne foi et de loyauté. L'intérêt est le grand vice des musulmans et la libéralité est la vertu qu'ils estiment davantage. Mon action leur parut sublime. On entendait « Allah, Allah ». Je fus reconduit par tous les esclaves et même par le spahi que j'avais frappé. Ils s'attendaient à ce qu'ils appellent leur régal. Je donnai 2 pièces d'or aux musulmans battus. Je crois qu'à ce prix, ils n'auraient pas fait les difficultés que Sancho faisait pour délivrer Madame Dulcinée. Quant au reste de la troupe, on lui déclara de ma part qu'un Français ne faisait ni ne recevait de présents. Voilà les soins que me coûtait Ilion et la gloire d'Homère. Je me dis, pour me consoler, que je passerai nécessairement devant Troie en faisant voile avec les pèlerins, et que je pourrais engager le capitaine à me mettre à terre. Je ne songeais donc plus qu'à poursuivre promptement ma route. J'allais rendre visite au chirurgien. Il n'avait point reparu dans toute cette affaire du guide, soit qu'il n'eût aucun titre pour m'appuyer, soit qu'il craignît le commandant. Nous nous promenâmes ensemble dans la ville, qui est assez grande et bien peuplée. Je vis ce que je n'avais point encore rencontré ailleurs, de jeunes Grecs, sans voile, vives, jolies, accortes et en apparence phidionies. Il est singulier que Kirkagar, si connu dans tout le Levant pour la supériorité de son coton, ne se trouve dans aucun voyageur et n'existe sur aucune carte. C'est une de ces villes que les Turcs appellent sacrées. Elle est attachée à la grande mosquée de Constantinople. Les pachas ne peuvent y entrer. J'ai parlé de la bonté et de la singularité de son miel à propos de celui du mont Himet. Nous quittâmes Kirkagar à 3 heures de l'après-midi et nous prîmes la route de Constantinople. Nous nous dirigions au nord à travers un pays planté de cotonniers. Nous gravîmes une petite montagne, nous descendîmes dans une autre plaine et nous vîmes à 5h30 du soir coucher au camp de Kelembe. C'est vraisemblablement ce même lieu que Spon nomme Basculen Bay, Tournefort Basque Lambay et Tefno Djelembe. Cette géographie turque est fort obscure dans les voyageurs. Chacun ayant suivi l'orthographe que lui dictait son oreille, on a encore une peine infinie à faire la concordance des noms anciens et des noms modernes dans l'Anatolie. D'Anville n'est pas complet à cet égard, et malheureusement la carte de la Propontide, levée par ordre de M. de Choiseul, ne dessine que les côtes de la mer de Marmara. J'allais me promener aux environs du village, le ciel était nébuleux et l'air froid comme en France. C'était la première fois que je remarquais cette espèce de ciel dans l'Orient. Telle est la puissance de la patrie. J'éprouvais un plaisir secret à contempler ce ciel grisâtre et attristé, au lieu de ce ciel que j'avais eu si longtemps sur ma tête. Si, dans sa course déplorée, il succombe au dernier sommeil sans revoir la douce contrée où brilla son premier soleil, là son dernier soupir s'adresse, là son expirante tendresse veut que ses eaux soient remenées d'une région étrangère, la terre serait moins légère à ses mânes abandonnées. Le 8, au lever du jour, nous quittâmes notre gîte et nous commençâmes à gravir une région montueuse qui serait couverte d'une admirable forêt de chênes, de pins, de filiréas, d'andrachnées, de térébintes, si les Turcs laissaient croître quelque chose. Mais ils mettent le feu aux jeunes plants et mutilent les gros arbres. Ce peuple détruit tout, c'est un véritable fléau. Les villages dans ces montagnes sont pauvres, mais les troupeaux sont assez communs et très variés. Vous voyez dans la même cour des bœufs, des buffles, des moutons, des chèvres, des chevaux, des ânes, des mulets, mêlés à des poules, à des dindons, à des canards, à des oies. Quelques oiseaux sauvages, tels que les cigognes et les alouettes, vivent familièrement avec ces animaux domestiques. Au milieu de ces hôtes paisibles règne le chameau, le plus paisible de tous. Nous vîmes dîner à Jeoujouk. Ensuite, continuant notre route, nous bûmes le café au haut de la montagne de Zébek. Nous couchâmes à Kiaos. Tournefort et Spon nomment sur cette route un lieu appelé Kourougandleji. Nous traversâmes le Neuf des montagnes plus élevées que celles que nous avions passées la veille. Veller prétend qu'elles forment la chaîne du mont Timnus. nous dînâmes à Mandafora. Spon et Tournefort écrivent Mandagoia. On y voit quelques colonnes antiques. C'est ordinairement la couchée. Mais nous passâmes outre et nous nous arrêtâmes à 9 heures du soir au café d'Emir Capi, maison isolée au milieu des bois. Nous avions fait une route de 13 heures. Le maître du lieu venait d'expirer. Il était étendu sur sa natte. On l'en ôta bien vite pour me la donner. Elle était encore tiède. Et déjà tous les amis du mort avaient déserté la maison. Une espèce de valet, qui restait seul, m'assura bien que son maître n'était pas mort de maladie contagieuse. Je fis donc déployer ma couverture sur la natte. Je me couchai et m'endormis. D'autres dormiront à leur tour sur mon dernier lit et ne penseront pas plus à moi que je ne pensais au Turc qui m'avait cédé sa place. On jette un peu de terre sur la tête et en voilà pour jamais. Le 10, après 6 heures de marche, nous arrivâmes pour déjeuner au joli village de Sous-Séverlé. C'est peut-être le Sous-sur-Louc de Tenvaux et très certainement le Sous-Sigirli de Spon ou le Sous-Songirli de Tournefort, c'est-à-dire le village des buffles d'eau. Il est situé à la fin et sur le revers des montagnes que nous venions de passer. À 500 pas du village coule une rivière, et de l'autre côté de cette rivière s'étend une belle et vaste plaine. Cette rivière de Sous-Songirli n'est autre chose que le granit, et cette plaine inconnue est la plaine de la Mysie. Quelle est donc la magie de la gloire ? Un voyageur va traverser un fleuve qui n'a rien de remarquable. On lui dit que ce fleuve se nomme Sous-Songirli. Il passe et continue sa route. Mais si quelqu'un lui crie « C'est le granit !» Il recule, ouvre des yeux étonnés, demeure les regards attachés sur le cours de l'eau, comme si cette eau avait un pouvoir magique, ou comme si quelque voix extraordinaire se faisait entendre sur la rive. Et c'est un seul homme qui immortalise ainsi un petit fleuve dans un désert. Ici tombe un empire immense. Ici s'élève un empire encore plus grand. L'océan Indien entend la chute d'un trône qui s'écroule près des mers de la Propontide. Le Gange voit courir le léopard aux quatre ailes qui triomphe au bord du granit. Babylone, que le roi bâtit dans l'éclat de sa puissance, ouvre ses portes pour recevoir un nouveau maître. Tyr, reine des vaisseaux, s'abaisse et sa rivale sort des sables d'Alexandrie. Alexandre commit des crimes. Sa tête n'avait pu résister à l'enivrement de ses succès. Mais par quelle magnanimité ne racheta-t-il pas les erreurs de sa vie ? Ses crimes furent toujours expiés par ses pleurs. Tout chez Alexandre sortait des entrailles. Il finit et commença sa carrière par deux mots sublimes. Partant pour combattre Darius, il distribue ses états à ses capitaines. « Que vous réservez-vous donc ? » s'écrie ceux-ci, étonné. « L'espérance. »« À qui laissez-vous l'empire ? » lui disent les mêmes capitaines comme il expirait. « Au plus digne. » Plaçons entre ces deux mots la conquête du monde, achevée avec 35 000 hommes en moins de 10 ans, et convenons que si quelque homme a ressemblé à un dieu parmi les hommes, c'était Alexandre. Sa mort prématurée ajoute même quelque chose de divin à sa mémoire, car nous le voyons toujours jeune, beau, triomphant, sans aucune de ses infirmités de corps, sans aucun de ses revers de fortune que l'âge et le temps amènent. Cette divinité s'évanouit, et les mortels ne peuvent soutenir le poids de son ouvrage. Son empire, dit le prophète, est donné aux 4 vents du ciel. Nous nous arrêtâmes pendant 3 heures à Sous-Songirli, et je l'ai passé tout entière à contempler le granit. Il est très encaissé. Son bord occidental est roide et escarpé. L'eau, brillante et limpide, coule sur un fond de sable. Cette eau, dans l'endroit où je l'ai vue, n'a guère plus de 40 pieds de largeur sur 3,5 de profondeur. Mais au printemps, elle s'élève et roule avec impétuosité. Nous quittâmes Sous-Songirli à 2 heures de l'après-midi. Nous traversâmes le granit et nous nous avançâmes dans la plaine de la Mycalicie, qui était comprise dans la Mysie des anciens. Nous vîmes coucher à Théotitsi, qui est peut-être le Squeticui de Tournefort. Le camp se trouvant rempli de voyageurs, nous nous établîmes sous de grands saules plantés en quinconce. Le 11, nous partîmes au lever du jour, et laissant à droite la route de Burs, nous continuâmes à marcher dans une plaine couverte de joncs terrestres où je remarquai les restes d'un aqueduc. Nous arrivâmes à 9 heures du matin à Mikalitsa, grande ville turque, triste et délabrée, située sur une rivière à laquelle elle donne son nom. Je ne sais si cette rivière n'est point celle qui sort du lac Abouyan. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'on découvre au loin un lac dans la plaine. Dans ce cas, la rivière de Mikalitsa serait le Rindak, autrefois le Likous, qui prenait sa source dans le Stagnum Artinia, d'autant plus qu'elle a précisément à son embouchure la petite île Besbikos, indiquée par les anciens. La ville de Mikalitsa n'est pas très éloignée du Lopodion de Niketas, qui est le Loupadi de Spon, le Lopadi, Loubat ou Houloubat de Tournefort. Rien n'est plus fatigant pour un voyageur que cette confusion dans la nomenclature des lieux, et si j'ai commis à ce propos des erreurs presque inévitables, je prie le lecteur de se souvenir que des hommes plus habiles que moi s'y sont trompés. Nous abandonnâmes Mikalitsa à midi et nous descendîmes, en suivant le bord oriental de la rivière, vers des terres élevées qui forment la côte de la mer de Marmara, autrefois la Propontide. J'aperçus sur ma droite de superbes plaines, un grand lac et dans le lointain la chaîne de l'Olympe. Tout ce pays est magnifique. Après avoir chevauché 1 heure et demie, nous traversâmes la rivière sur un pont de bois et nous parvîmes au défilé des hauteurs que nous avions devant nous. Là, nous trouvâmes l'échelle ou le port de Mikalitsa. Je congédiai mon fripon de guide et je retins mon passage sur une barque turque prête à partir pour Constantinople. À 4 heures de l'après-midi, nous commençâmes à descendre la rivière. Il y a 16 lieues de Mikalitsa à la mer. La rivière était devenue un fleuve à peu près de la largeur de la Seine. Elle coulait entre des monticules verts qui baignent leurs pieds dans les flots. La forme antique de notre galère, le vêtement oriental des passagers, les 5 matelots demi-nus qui nous tiraient à la cordelle, la beauté de la rivière, la solitude des coteaux rendaient cette navigation pittoresque et agréable. À mesure que nous approchions de la mer, la rivière formait derrière nous un long canal au fond duquel on apercevait les hauteurs d'où nous sortions et dont les plans inclinés étaient colorés par un soleil couchant qu'on ne voyait pas. Des cygnes voguaient devant nous et des hérons allaient chercher à terre leur retraite accoutumée. Cela me rappelait assez bien les fleuves et les Seines de l'Amérique, lorsque le soir je quittais mon canot d'écorce et que j'allumais du feu sur un rivage inconnu. Tout à coup, les collines entre lesquelles nous circulions, venant à se replier à droite et à gauche, la mer s'ouvrit devant nous. Au pied des 2 promontoires s'étendait une terre basse, à demi noyée, formée par les alluvions du fleuve. Nous vîmes mouiller sous cette terre marécageuse, près d'une cabane, dernier camp de l'Anatolie. Le 12, à 4 heures du matin, nous levâmes l'ancre. Le vent était doux et favorable, et nous nous trouvâmes en moins d'une demi-heure à l'extrémité des eaux du fleuve. Le spectacle mérite d'être décrit. L'aurore se levait à notre droite par-dessus les terres du continent. À notre gauche s'étendait la mer de Marmara. La proue de notre barque regardait une île. Le ciel à l'orient était d'un rouge vif qui pâlissait à mesure que la lumière croissait. L'étoile du matin brillait dans cette lumière empourprée et au-dessous de cette belle étoile on distinguait à peine le croissant de la lune, comme le trait du pinceau le plus délié. Un ancien aurait dit que Vénus, Diane et l'aurore venaient de lui annoncer le plus brillant des dieux. Ce tableau changeait à mesure que je le contemplais. Bientôt, des espèces de rayons roses et verts, partant d'un centre commun, montèrent du levant au zénith. Ces couleurs s'effacèrent, se ranimèrent, s'effacèrent de nouveau, jusqu'à ce que le soleil, paraissant sur l'horizon, confondit toutes les nuances du ciel dans une universelle blancheur légèrement dorée. Nous fîmes route au nord, laissant à notre droite les côtes de l'Anatolie. Le vent tomba 1 heure après le lever du soleil et nous avançâmes à la rame. Le calme dura toute la journée. Le coucher du soleil fut froid, rouge et sans accident de lumière. L'horizon opposé était grisâtre, la mer plombée et sans oiseaux. Les côtes lointaines paraissait azurée, mais elle n'avait aucun éclat. Le crépuscule dura peu et fut remplacé subitement par la nuit. À 9 heures, le vent se leva du côté de l'est et nous fîmes bonne route. Le 13, au retour de l'aube, nous nous trouvâmes sous la côte d'Europe, en travers du port Saint-Étienne. Cette côte était basse et nue. Il y avait 2 mois, jour pour jour, et presque heure pour heure, que j'étais sorti de la capitale des peuples civilisés, et que j'allais entrer dans la capitale des peuples barbares. Que de choses n'avais-je point vues dans ce court espace de temps ! Combien ces 2 mois m'avaient vieilli ! À 6h30, nous passâmes devant la poudrière, monument blanc et long, construit à l'italienne. Derrière ce monument s'étendait la terre d'Europe, elle paraissait plate et uniforme. Des villages annoncés par quelques arbres étaient semés çà et là, c'était un paysage de la Beauce après la moisson. Par-dessus la pointe de cette terre, qui se courbait en croissant devant nous, on découvrait quelques minarets de Constantinople. À 8 heures, un caïque vint à notre bord. Comme nous étions presque arrêtés par le calme, je quittai la felouque et je m'embarquai avec mes gens dans le petit bateau. Nous rasâmes la pointe d'Europe où s'élève le château des 7 tours, vieille fortification gothique qui tombe en ruine. Constantinople et surtout la côte d'Asie étaient noyées dans le brouillard. Les cyprès et les minarets que j'apercevais à travers cette vapeur présentaient l'aspect d'une forêt dépouillée. Comme nous approchions de la pointe du sérail, le vent du nord se leva et balaya en moins de quelques minutes la brume répandue sur le tableau. Je me trouvai tout à coup au milieu du palais du commandeur des croyants. Ce fut le coup de baguette d'un génie. Devant moi, le canal de la mer Noire serpentait entre des collines riantes ainsi qu'un fleuve superbe. J'avais à droite la terre d'Asie et la ville de Scutari. La terre d'Europe était à ma gauche. Elle formait en se creusant une large baie pleine de grands navires à l'ancre et traversée par d'innombrables petits bateaux. Cette baie, renfermée entre 2 coteaux, présentait en regard et en amphithéâtre Constantinople et Galata. L'immensité de ces 3 villes étagées, Galata, Constantinople et Scutari. Les cyprès, les minarets, les mâts des vaisseaux qui s'élevaient et se confondaient de toutes parts. La verdure des arbres, les couleurs des maisons blanches et rouges, la mer qui étendait sous ces objets sa nappe bleue, et le ciel qui déroulait au-dessus un autre champ d'azur, voilà ce que j'admirais. On n'exagère point quand on dit que Constantinople offre le plus beau point de vue de l'univers. Nous abordâmes à Galata. Je remarquai sur le champ le mouvement des quais et la foule des porteurs, des marchands et des mariniers. Ceux-ci annonçaient par la couleur diverse de leurs visages, par la différence de leur langage, de leurs habits, de leurs robes, de leurs chapeaux, de leurs bonnets, de leurs turbans, qu'ils étaient venus de toutes les parties de l'Europe et de l'Asie habiter cette frontière de 2 mondes. L'absence presque totale des femmes, le manque de voitures à roues et les meutes de chiens sans maître furent les 3 caractères distinctifs qui me frappèrent d'abord dans l'intérieur de cette ville extraordinaire. Comme on ne marche guère qu'en babouche, qu'on n'entend point de bruit de carrosses et de charrettes, qu'il n'y a point de cloches, ni presque point de métiers à marteau, le silence est continuel. Vous voyez autour de vous une foule muette qui semble vouloir passer sans être aperçue et qui a toujours l'air de se dérober au regard du maître. Vous arrivez sans cesse d'un bazar à un cimetière, comme si les Turcs n'étaient là que pour acheter, vendre et mourir. Les cimetières sans murs et placés au milieu des rues sont des bois magnifiques de cyprès. Les colombes font leur nid dans ces cyprès et partagent la paix des morts. On découvre çà et là quelques monuments antiques qui n'ont de rapport ni avec les hommes modernes ni avec les monuments nouveaux dont ils sont environnés. On dirait qu'ils ont été transportés dans cette ville orientale par l'effet d'un talisman. Aucun signe de joie, aucune apparence de bonheur ne se montre à vos yeux. Ce qu'on voit n'est pas un peuple, mais un troupeau qu'un imam conduit et qu'un janissaire égorge. Il n'y a d'autre plaisir que la débauche, d'autre peine que la mort. Les tristes sons d'une mandoline sortent quelquefois du fond d'un café et vous apercevez d'infâmes enfants qui exécutent des danses honteuses devant des espèces de singes, assis en rond sur de petites tables. Au milieu des prisons et des bagnes s'élève un sérail, capitole de la servitude. C'est là qu'un gardien sacré conserve soigneusement les germes de la peste et les lois primitives de la tyrannie. De pâles adorateurs rôdent sans cesse autour du temple et viennent apporter leurs têtes à l'idole. Rien ne peut les soustraire au sacrifice. Ils sont entraînés par un pouvoir fatal. Les yeux du despote attirent les esclaves comme les regards du serpent fascinent les oiseaux dont il a fait sa proie. On a tant de relations de Constantinople que ce serait folie à moi de prétendre encore en parler. Il y a plusieurs auberges à Péra qui ressemblent à celles des autres villes de l'Europe. Les porteurs qui s'emparèrent de mes bagages me conduisirent à l'une de ces auberges. Je me rendis de là au palais de France. J'avais eu l'honneur de voir à Paris Monsieur le général Sébastiani, ambassadeur de France à la porte. Non seulement il voulut bien exiger que je mangeasse tous les jours au palais, mais ce ne fut que sur mes instances prières qu'il me permit de rester à l'auberge. Messieurs Franchini Frère, premier drogman de l'ambassade, m'obtinrent par l'ordre du général les firmans nécessaires pour mon voyage de Jérusalem. Monsieur l'ambassadeur y joignit des lettres adressées au père gardien de Terre Sainte et à nos consuls en Égypte et en Syrie. Craignant que je ne vinsse à manquer d'argent, il me permit de tirer sur lui des lettres de change à vue partout où je pourrais en avoir besoin. Enfin, joignant à ses services du premier ordre les attentions de la politesse, il voulut lui-même me faire voir Constantinople et il se donna la peine de m'accompagner aux monuments les plus remarquables. Messieurs, ses aides-de-camp et la légation entière me comblèrent de tant de civilité que j'en étais véritablement confus. C'est un devoir pour moi de leur témoigner ici toute ma gratitude. Je ne sais comment parler d'une autre personne que j'aurais dû nommer la première. Son extrême bonté était accompagnée d'une grâce touchante et triste qui semblait être un pressentiment de l'avenir. Elle était pourtant heureuse, et une circonstance particulière augmentait encore son bonheur. Moi-même, j'ai pris part à cette joie qui devait se changer en deuil. Quand je quittai Constantinople, Madame Sébastiani était pleine de santé, d'espérance et de jeunesse, et je n'avais pas encore revu notre pays qu'elle ne pouvait déjà plus entendre l'expression de ma reconnaissance. Troia, infelice sepultum, detinet extremo terra aliena solo. Il y avait dans ce moment même à Constantinople une députation des pères de Terre Sainte. Ils étaient venus réclamer la protection de l'ambassadeur contre la tyrannie des commandants de Jérusalem. Les pères me donnèrent des lettres de recommandation pour Jaffa. Par un autre bonheur, le bâtiment qui portait les pèlerins grecs en Syrie se trouvait prêt à partir. Il était en rade et il devait mettre à la voile au premier bon vent, de sorte que si mon voyage de la Troade avait réussi, j'aurais manqué celui de la Palestine. Le marché fut bientôt conclu avec le capitaine. Monsieur l'ambassadeur fit porter à bord les provisions les plus recherchées. Il me donna pour interprète un grec nommé Jean, domestique de Monsieur Franchini. Comblé d'attentions, de vœux et de souhaits, le 18 septembre à midi, je fus conduit sur le vaisseau des pèlerins. J'avoue que si j'étais fâché de quitter mes hôtes d'une bienveillance et d'une politesse aussi rares, j'avais cependant bien aise de sortir de Constantinople. Les sentiments qu'on éprouve malgré soi dans cette ville gâtent sa beauté. Quand on songe que ces campagnes n'ont été habitées autrefois que par des Grecs du Bas-Empire, et qu'elles sont occupées aujourd'hui par des Turcs, on est choqué du contraste entre les peuples et les lieux. Il me semble que des esclaves aussi vifs et des tyrans aussi cruels n'auraient jamais dû déshonorer un séjour aussi magnifique. J'étais arrivé à Constantinople le jour même d'une révolution. Les rebelles de la Roumélie s'étaient avancés jusqu'aux portes de la ville. Obligé de céder à l'orage, Sélim avait exilé et renvoyé des ministres désagréables aux janissaires. On attendait à chaque instant que le bruit du canon annonçât la chute des têtes proscrites. Quand je contemplais les arbres et le palais du sérail, je ne pouvais me défendre de prendre en pitié le maître de ce vaste empire. Oh, que les despotes sont misérables au milieu de leur bonheur, faibles au milieu de leur puissance. qu'ils sont à plaindre de faire couler les pleurs de tant d'hommes, sans être sûrs eux-mêmes de n'en jamais répandre, sans pouvoir jouir du sommeil dont ils privent l'infortuné. Le séjour de Constantinople me pesait. Je n'aime à visiter que les lieux embellis par les vertus ou par les arts, et je trouvais dans cette patrie des Phocas et des Bajazets, ni les unes ni les autres. Mes souhaits furent bientôt remplis, car nous levâmes l'ancre le jour même de mon embarquement à 4 heures du soir. Nous déployâmes la voile au vent du nord, et nous voguâmes vers Jérusalem sous la bannière de la croix qui flottait au mât de notre vaisseau. Fin de la section 15.